spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance Rénaldienne. Merci l'artiste. C'est avec beaucoup de frénésie que nous terminons notre saison estivale et notre cuvée 2016. Aujourd'hui, le vendredi 1er septembre 2017, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! La dernière. Et je me sens frénétiquement sous tension paranormale. Non, c'est pararénal. Oh, pararénal. Ouh, 1er septembre, je l'ai dit. Dernière émission estivale, je l'ai dit. Dernière émission de mes invités que j'ai rencontrés sur la rue des Abbesses en 2016. La semaine prochaine, on commence une nouvelle série de personnages que j'ai rencontrés il y a quelques semaines. J'arrive, là, j'arrive, comme disait Brel. Je l'ai fait, ça, là. Mais, et surtout ce soir, je vais vous mettre un peu dans le contexte. J'ai mon invité, Marie Desrôles. J'ai aussi deux univers, même plusieurs, mais au moins deux. Un hommage, un vibrant hommage à Mark Bolan, mieux connu sous le nom de son groupe T-Rex. Mon ami, comment il s'appelle donc? Hey, t'as un ami, tu te... Non, on dirait que je t'ai soufflé, mais j'ai même pas couru. Je suis très excité, là. Là, j'ai la... Oui, c'est jamais bon, ça, avoir l'adrénaline au piton, au bouton, au bouton. Mais moi, j'ai le bouton collé assez souvent. Et vous savez, quand on se met à rire pour rien, puis qu'on essaie de se le trouver, là, le bouton pour décoller tout ça, puis on va dire, hey, ouais, il me semble que j'ai l'air ridicule. Puis ça, et puis... Le ridicule ne tue pas, c'est une belle expression, ça, le ridicule ne tue pas. Soyons ridicules le plus souvent possible dans notre vie. C'est un terme bizarre, ridicule, hein? Ah, mon Dieu, c'est un prix ridicule? Ben oui, on voulait aussi que ce soit acheté par un hurlu-berlu. Ah, je me sens interpellé. Ben oui. Ben oui, c'est un prix ridicule, mon connard! Oh mon Dieu! Mais si c'est ridicule, il y a peut-être quelque chose caché là-dessous! Rien n'est donné! C'est sans doute des composantes de mauvaise qualité! Faites par des incompétents! Vendues à un prix dérisoire pour nous faire croire que c'est un matériel extraordinaire, mais vous avez emprunté un nom! Une étiquette reconnue mondialement, universel. Hein? Non, mais c'est encourageant, puis c'est rassurant quand c'est universel. Imaginez-vous quand c'est marginal. Oh, mais non, mais... Marginal, j'ai peur. Je ne peux pas dire autrement. J'ai une grosse crainte. Une grosse, grosse crainte. Je sais même pas comment en parler pour sortir ça de mon garde. J'ai comme la boule. Marginaux, ça fait peur, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Mieux vaut être universel. Hein? Tout le monde m'aime. Il n'y a pas juste 3-4 personnes. Il y a des petits troupeaux là, sombres dans le coin, là-bas. Douteux. Mais quand tu es un univers... Hey! Tu es l'océan. Tu es la mer. Tu es le lac Saint-Laurent. C'est un lac? Non, c'est le fleuve. Oh! Oh! Là, moi, je me trompe entre un lac et un fleuve. Bon, c'est de l'eau, puis dans les deux cas, c'est de l'eau, puis il y a de l'eau. Puis pourquoi se tromper si on ne peut pas se tromper? Ouais. Celle-là, on va l'enlever, hein, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas à propos. À propos de l'universalité, ce qu'on se souhaite, c'est que ce soir, ce ne soit pas quelque chose de consensuel. Il n'y a rien de pire que de la consensualité. Là, je suis en train de regarder dans le dictionnaire consensualité. Ouais. Consensualité, con, c'est con. C'est con, qu'on se triste. Il y a une trilogie ce soir. La trilogie se divulgue ainsi. Hommage à Mark Bolan par... C'est ça, je cherchais le bonhomme, là. Comment s'appelle-t-il? John Zorn a sorti une étiquette de disque il y a quelques années qui s'appelle Great Jess Wills Music. En tout cas, la musique des Juifs. Gainsbourg on lui a rendu hommage par plein d'intervenants underground et ça donne un résultat jouissif. Et je me suis procuré l'album, le vrai, là, je l'ai ici. Là. Hey, je l'ai, écoutez. Là. Physique, on appelle ça, hein, c'est physique. C'est physique ou électrique, mais quand je me jette ça physique, je me sens électrisé. Là. Je le vois, mon Mac Bolan, qui est mort très jeune. Alias T-Rex, comme je le disais. Alias T-Rex, excusez-moi. Et deuxième album que nous allons vous placer dans vos oreilles. Non, mais ça fait peur à se faire placer ça dans les oreilles. C'est-tu de la couffine? Gaétan, fais-tu de la couffine? Ah, moi, j'entends la couffine. Arrête de me traiter des noms depuis qu'on est mariés. Tu me dis des termes que je comprends pas. Ben oui, mais c'est pas de ma faute si t'as pas de connaissances, toi, là. Je pensais... Non, mais au début de mon mariage, c'était bien. Parce qu'elle faisait de la lecture. Donc, je me suis rendu compte après plusieurs années que ce qu'elle me racontait, ça venait pas d'elle, ça venait de ses lectures. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai touché je me suis fait plaisir. Je me suis pas touché, mais c'est tout comme. Mais j'ai rencontré la fille de ma vie. Hey, on va s'amuser toute l'existence à se raconter des grands passages de Proust, de Boris Vian, de Gaétan Gagnon, hein, le beau livre de Gaétan Gagnon. Je suis cherché perdu, oui. Vous l'avez jamais lu? Je suis cherché perdu. Là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que perdu? Faut lire le livre, faut comprendre ça, là. Ah, ça a été un flop monumental, mais le flop ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Ça veut dire que le public a pas embarqué. Puis s'il y a 2-3 personnes qui l'achètent, ce livre-là, puis qui l'aiment, bien, c'est tant mieux pour eux. Puis c'est eux qui vont évoluer avec cette littérature-là, au même titre qu'une émission de radio. Si l'émission de radio n'est pas au summum, c'est-à-dire écoutée par la majorité, au moins si ça touche une personne, c'est celle-là qui m'intéresse. Je parle de mon émission, moi. Et ensuite de ça, un album, un disque très intéressant, d'une maison de disques qui s'appelle Uncut. Et le titre de l'album est très jouissif. C'est Transmission. 14 chansons des nouveaux zéros avec ma liaison. Pas des nouveaux zéros, des nouveaux héros. Des nouveaux zéros. de l'art rock. Et là-dedans, on retrouve plein de chanteurs et chanteuses qui ont traversé avec aisance toute cette élancée musicale depuis bien des années. Donc, Phoenix, qui est un groupe français, mais qui chante en anglais. Charlotte Gainsbourg, qui est une chanteuse française qui chante en anglais. En fait, c'est un album anglophone. Mais il n'y a pas juste des Français qui parlent anglais, là, et qui chantent anglais. Il y a Caribou. Panda Bear. Panda Bear, Panda Bear, Panda Bear, Panda Bear, Panda Bear. Panda, c'est panda, ça? Panda Bear, oui. Panda Bear, bière de panda. Mais non, beer, c'est ours. Panda Bear, ça veut dire ours de panda. Hey, monsieur, t'es pas gêné? Moi, j'ai jamais été gêné, moi. Pourquoi me gêner? Pourquoi vivre sa vie gênée? T'en as juste une! Assume! OK. Ensuite de ça, plein de... Gain Guth. On va arrêter mes... Parce que j'ai beaucoup de difficultés à lire des groupes ou des chanteuses ou des noms de personnes. Et je me demande pourquoi, en France, on trouve des noms aussi complexes à dire. Là, mon invité de ce soir, c'est facile. C'est Marie des Rôles ou des Rôles. Je ne sais pas si on dit des Rôles ou des Rôles. Mais c'est une comédienne. Si c'est pas un nom prédestiné pour être comédienne, trouvez-moi-en un. Marc de Seine. Marc, nous recevons ce soir Marc de Seine. Hein, le gars, s'il ne monte pas sur scène, Marc de Seine, il doit en faire, il doit en fabriquer. Ça doit être un artisan, un concepteur visuel. Ou un concepteur de bois, tu sa femme là, hey, j'ai marié ça, c'était, elle faisait tremper sa Pepperman parce qu'elle voulait avoir une eau mentholée, non, elle faisait sa bourgeoise, elle faisait pas sa bourgeoise, elle faisait sa bourgeoise, elle faisait sa bourgeoise puis comme moi j'avais pas d'eau mentholée et qu'est-ce que c'est là, et ou à l'anis, elle disait mentholée ou à l'anis. Encore là, elle me commençait à me traiter des noms. Fait que moi, j'ai une collection de Pepperman achetée dans tous les pays du monde. Les gens qui s'en vont à Tombouctou m'amènent des Pepperman de Tombouctou. Les gens qui reviennent de Limoilou, on revient pas souvent de Limoilou. Oh, ils sont en guerre ces temps-ci, là. Oh, monsieur, il y a des mines interpersonnelles à Limoilou. Ah, ça pète de partout. Ah! Oh! Ça pas de bon ça. Il y a des quoi dans le monde qu'il faut pas visiter, là, les boulous. Ah! Pas vrai, je vous adore. Ben, quoique je reste dans le coin, je reste pas bien dans le coin. Je reste presque... Avant ça, je restais dans le milieu de Limoilou. Et après, j'ai décidé de quitter le noyau pour me déraciner. Parce qu'un créateur, quand il se déracine, l'intérêt... c'est qu'il recommence à écrire autrement. Il abandonne ses tics nerveux littéraires. Il devient donc un oiseau volant non identifié. Déjà là, vous allez me dire, c'est un oiseau, oui, mais quelle sorte d'oiseau? Donc, il peut survoler l'univers des mots, l'univers de la symbolique langagière, l'univers aussi de la métaphore pour se poser sur un nid de poésie qu'il n'a pas touché dû au fait qu'il habitait un endroit qui l'amenait dans un certain réconfort et confort. Quand il y a un confort, on s'endort. Confort en dormitoire, on n'est pas loin. En dormitoire, oui. Moi, j'ai l'endormitoire, là. À partir de 5 heures du matin, avant que le soleil se lève, ça dépend de la saison du mois, là, mais quand le soleil commence à se pointer le nez, on dirait que je m'oblige à sécréter, là, mais à sécréter, là, mais à sécréter, là, quelque chose pour m'endormir, là, de la morphine, oh non, mais l'endorphine, en tout cas, de sécréter quelque chose, là, pour essayer de dormir. ça a été un truc qui m'a été offert ou donné ou prêté. Non, donné parce qu'on ne prête pas des idées, on donne par Dracula. Dracula, lui, n'aimait pas la lumière du jour. Rénal Gagné n'aime pas beaucoup la lumière du jour. Pas trop. Quand le soleil commence à se coucher, Rénal se réveille. C'est tellement vrai que j'ai un travail qui m'amène à commencer à la fin de la journée. Et ma meilleure performance, madame, mademoiselle, c'est... Ça dépend encore du mois, mais lorsque le soleil se couche, Rénal se réveille. Et quand il se réveille, ça promet en « s'il vous plaît ». Oh, s'il vous plaît. En parlant de « s'il vous plaît », c'est une marque de politesse. Merci, bonsoir, à la prochaine. Bonjour, non, bonjour, c'est de la politesse, dire bonjour, oui. C'est un signe de politesse. Mais là, c'est la dernière. Et c'est pas de la politesse dernière. Je sais, je s'attendais. Hey, il y a quelque chose qui va suivre, là. Quand tu vois le train qui propulse, attends-toi de voir... Non, mais règle générale, attends-toi de voir des wagons. Wagons. Plus il y a de wagons, plus le train de tête, on peut-tu appeler ça un train de tête? Un train de tête. Moi, je suis un cas de fessier, moi. Hey, je suis né, moi, là. Je présentais mon trou de pète. Puis ma maman avait mangé la soupe au pois. Oh, monsieur, madame, j'étais parti pour une... Puis depuis ce temps-là, je fais des diarrhées verbales. Une diarrhée verbale. J'en fais. Je me mets de la couche. Oui, c'est rare, hein, mais je me suis fait faire sur mesure, comme je suis le seul. Donc, c'est une maladie orpheline. Je me suis fait faire une couche. Pas une couche là, comme une couche de peinture, là, mais une couche comme une couche pour les fesses des bébés. Là. Une couche sur la langue, due à mes diarrhées verbales. Verbal. Puis là, comme ils connaissent pas trop ça, tu sais, dans la langue, c'est humide. Donc, ils m'appliquent la couche. Rapidement, ça s'imbibe. Puis là, quand ça embarque ça, là, la verbale, ça se remplit en moins de 30, là, ça dépend. Mais comme c'est un flux, c'est un flux. Ah, mais je croyais que tu parlais de diarrhée, moi, à la dernière émission d'Estival. Et si, ils me reconduiront pas. Ah, non. Ils vont me laisser là, sur le chemin, en disant, essaye de le trouver. Comme toi, t'es un errant, tu trouveras jamais le chemin. Ah, un errant qui ne trouve jamais. La question est la suivante, est-ce que parce que nous sommes des errants, est-ce que le fait d'être un errant fait en sorte que nous ne trouvons jamais de chemin? Et ça, c'est une question de fin d'année à l'école. Très, très intéressant. Là. Je viens de lancer quelque chose. Là. Moi-même, là, je suis ébloui. Puis, je voudrais vous offrir un éblouissement à votre tour. C'est-à-dire, vous proposer l'hommage qu'on a fait à Mark Bolan. Puis je vous reviens. Voulez-vous les petites introductions là, qui s'appelle cinéma? Oui, hein, ce serait sympathique pour la dernière. Je vais poser mon micro parce que je le tenais à la main. Parce que je me libérais, je marchais sur place. Ça m'aide à créer, ça m'aide à amener des idées. Moi, c'est comme l'improvisation, là. Il n'y a pas de recette là-dedans. Ça peut être autant bon qu'autant pas bon. Quand c'est autant pas bon, ben là, tu t'encourages. La semaine prochaine, ça risque d'être meilleur. Mais là, ce soir, là, vous allez me dire, peux-tu t'analyser, peux-tu te donner? On va l'écouter la joie. Faites-vous en pas. On va écouter tout ça. On a le temps. Décompresser, là, bon. Moi, là, quand je décompressais, puis il y a un imbécile qui a dit ça à la télévision, puis il me semble que ça criait de vérité pour moi, sans me le faire hein, sans que un imbécile me le divulgue. Quand vous venez de travailler, là, pour vraiment couper avec le travail, changer de vêtements. Hé, mon petit Finfino, t'as été à l'université combien d'années pour apprendre ça? Moi, j'ai même pas pris ça dans les livres universitaires. Ça coule de source. Pour moi, là, c'est inné. Si je veux couper, ben j'enlève. Tu sais, si je veux couper avec exemple, quand tu dis, hein, c'est quand même beau des exemples, hein, ça permet de comprendre. Ben oui, mais j'espère. Pas d'exemple, oh, pas de compréhension. Bon, as-tu des exemples? Bon, j'en ai une, sûr. Ben, c'est ce que je viens de dire. Oh, si j'ai une explication, ben oui. Pourriez-vous-tu le dire? Ben, premièrement, ça se dit pas pourriez-vous-tu. Pourriez-vous-tu, là, les oreilles me saignent, là. Oh, excusez-moi. Alors, pourriez-vous? Ah, pourriez-vous, oui. Pourriez-vous quoi? Une explication? Oui. Concernant ce que vous n'avez nous dit? Ce que je vais vous dire? Non, je vous l'ai dit. Ah non, hey, wow! Wow! J'ai le moineau qui gargouille. Est-ce que vous avez raconté quelque chose tout à l'heure? Oui. Pouvez-vous nous donner un exemple? De ce que vous avez raconté? Oui, pourquoi pas? Allez-y. Ça me ferait plaisir. Bon, ben, vous ne trouvez pas d'exemple? Non, c'est parce que je me souviens plus de ce que j'ai dit. Oh, monsieur! On va appeler la coulisse. Je pense que la coulisse ne s'en souvient pas non plus. Puisque la coulisse, je sais pas si je dois le dire, là. Elle est en petit bonhomme. Oh, pendue au plafond! Non, elle n'est pas pendue au plafond, elle est en petit bonhomme. Et elle me fait des grands signes de ne pas parler de sa condition actuellement. Oh, elle est en condition. Ah, elle est en parfaite condition. Réusinée. Pourtant, 22 ans, cette petite fille-là, 22 ans. Ça se plie facilement, ça se déplie aussi facilement. Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'elle a fait l'école buissonnière. Elle est là de présence, mais elle n'est pas là pour m'aider à ne pas sombrer. Donc, je l'excuse. Donc, excusez-moi pour l'exemple. On va passer à mon ami, pas Bob Dylan. Non, parce que dans ma tête, ça me disait Bob Dylan. Ça sonne comme Bob Dylan. C'est Mark Bolan. Mort très jeune. Un petit aperçu de ce que vous allez entendre dans quelques minutes. Mais, oh oui, c'est vrai, le générique, ouais, voyons, le générique. Calme-toi, mon petit poussin, calme-toi. Calme-toi, tu viendras un coq un jour. Tu deviendras, excusez-moi. Calme-toi, parce qu'on a, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe, on a quand même un petit côté, non, pas un petit côté, nous avons en régie un enregistrement de ce que je dis là et un moment où on retarde de 5 secondes. Donc, je peux revenir sur mon propos lorsque ma conjugaison, lorsque mon association de mots, de phrases n'est pas correcte, quand on fait des grands signes, comme actuellement, parce qu'on a coupé. Puis là, ils sont comme... Ils se disent, comment on va recommencer ça, là? Ben voyons, non, c'est du numérique. Pas compliqué, le numérique, là. Avant ça, c'était de la cassette. Quand tu partais à la cassette, tu ne pouvais pas l'arrêter. Sinon, tu enlevais la cassette. Avec ton doigt, tu devais retourner à l'endroit pile où tu devais recommencer. Puis le 33 tours, c'était le même truc, mais il fallait que tu ne parles pas parce que, c'est très technique, là, on devait partir au début, on reculait un peu. Puis là, quand on disait, maintenant, voici Étienne Dao avec Profil Rock. Là, on partait. Puis, regardez pas sur Internet, Profil Rock Étienne Dao, ça n'existe pas. Bon. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches

Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. Pour la dernière estivale, je suis tellement. Mais là. Oui. Va-t-il dire une autre fois? Oui. Tellement. Heureux. Oh! Notre vieille terre est une étoile, mais toi aussi, tu brillais un peu. Tu veux chanter la balade? La balade des gens heureux. Attention, tu veux chanter la balade des gens heureux. C'est comme ça, oui. Oh, bah, tu es de mes panneaux, de l'épaule des petits panneaux. Oui, oui, oui, oui, la balade des gens heureux. Mais je suis tellement heureux. C'est ça! La garnotte est pas prête! La garnotte! C'est le ressort! Vous vous souvenez de l'histoire du ressort? Si vous êtes déshabitué, on me l'a pas arrangé! Si je me mets là-dedans, là, si je me mets à dévisser tout ma console... Je risque de pas faire d'émission la semaine prochaine. C'est pas compliqué, enlever un ressort, en mettre un neuf, je sais pas, quelque chose de... Il fonctionne plus, celui-là. Je fais de l'écho, et puis des fois, je me dis que c'est de l'écho, mais il y en a pas d'écho. Et puis c'est le contraire aussi, Camille. Je veux pas avoir de technicien qui finisse chez nous, là. Ça va me coûter 50$ juste pour qu'il me mette les pieds. Je vais placer ça sur la galerie. Je vais lui dire, arrangez ça, au moins, vous mettrez pas les pieds. Chez moi! Vous allez être à l'extérieur, ça me coûtait moins cher! Bon, à la minute où je mets les pieds, moi là, c'est 50$ mini. Tout est mini dans ta vie? Oh, au moins tout est mini dans ma vie. Mais pour un mini, pour moi, chez vous, c'est un max. Mais je m'en doute pas, 50$! Tu mets les pieds, t'as rien fait, t'as même pas dévissé! C'est de l'arnaque! Oui, c'est du professionnalisme. Professionnalisme, mon ami, je suis pas certain. Là, je veux pas être grossier, là, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Ben voyons donc! Minuit 35 des enfants, ben oui, il y en a qui font leurs dents, qui dorment pas. Ben oui, mais s'ils font leurs dents, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, là. Hey! Tous les Québécois qui naissent ont un quotient intellectuel plus élevé que les autres. Fait que tu parles à un enfant de 2 mois, de 2 jours même, de 2 jours, ils comprennent tout ce que tu... C'est sûr que c'est pas les mots, c'est les vibrations, mais moi, je vibre en s'il vous plaît. Je vibre tellement que la Terre, quand je commence mon émission, tourne à l'envers. Quand ça tourne à l'envers, faites attention parce que ça fait mal aux cheveux. Surtout si vous êtes frisé. Ça rend le cheveu raide. Pas de ma faute, moi, là. Je suis de même. Il y en a qui ne l'ont pas, moi je l'ai. En parlant de lait, les mis où, le petit étui pour mettre mon disque? Et ça, c'est important pour le public. Ça. Ah, il est en dessous de mes transmissions information. Bon, sinon les enfants vont bien. Travail pas trop compliqué. Bon. Vos vacances se sont bien passées. Coup de soleil, vous revenez. Cancer de la peau, vous allez constater. Ah, tout va bien. Vous savez, il y a une doctrine qui dit... J'essaie de me la Maurice. Les derniers seront les premiers. Merci, merci Maurice. Les derniers seront les premiers. Mais ma dernière de cette année, et non la moindre, Marie des Rôles. Et là, avez-vous entendu? J'ai pris le L, je l'ai glissé sous le S. Pas tout le monde qui peut faire ça, là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Marie des Rôles. Fait que si tu dois pas dire des Rôles, mais des Rôles, tu effleures uniquement le S. Tu fais comme si tu chatouillais la dernière lettre. Puis lorsque tu la chatouilles, on sent presque qu'elle rigole. Je vais le redire. Écoutez, écoutez, écoutez. Tout est dans, bien sûr, la façon de prononcer. Un amateur ne pourrait jamais arriver à autant de dextérité. Mais vétéran rénaldien, c'est. Raymond, peux-tu ouvrir la porte plus grande? Parce que quand je vais sortir, ça passera plus, moi, là. Là, c'est ça. Ouais, vous allez... Ouais, je... Il faudrait qu'il m'enlève le cortex cérébral, OK? Puis dégonfler un peu la ballonne. Moins le ballon, la sphère de latex gonflable. Ah. Pensez-vous que je peux passer? Parce que mon embonpoint, il n'est presque plus là. Tout est monté à la tête. Tout le gras est monté dans... la matière grise est rendue la matière grasse. Moi, j'ai plus la matière... Non, madame, j'ai plus de matière grise, moi. J'ai maigri et tout le gras a monté vers le haut. J'ai un système graisseux extrêmement, extrêmement, extrêmement présent. Ah, mon Dieu, on va faire du savon avec moi, là. Oh, parce que c'est avec ça qu'on fait du savon. Fight Club. Les références sont là. Qu'est-ce qu'il dit là? Fight Club, les résidences sont là. Pas les résidences. Je dis Fight Club. Fight Club. Le film Fight Club. Oh, le film Fight Club. OK. Qu'est-ce que c'est ça, Fight Club? Bon, écoute. Moi, là, je suis pas ici pour éduquer. Là. Va faire tes devoirs, tu reviendras. Tes devoirs? Pas de crayon, pas de papier, moi, là. Devoir. Qu'est-ce que c'est, ton devoir? Ben, écoute, tu peux écrire « Je suis un imbécile » 5000 fois, sans faute. Si tu fais des fautes, ben, tu multiplies par 20. Multiplie par 20, c'est un million d'ondes, oui. J'ai pas une vie pour passer ça là-dessus. Ben, écoute, tu passeras le temps que tu prendras. Sinon, écoute une autre radio qui va t'amener plus de légèreté. Il y en a des affaires de même, là. Il y en a plein. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, Marie... Marie, excusez-moi. La façon de prononcer, c'est la manière que l'on apprend sur le tas. Et si vous n'avez pas la chance d'aller à l'école sur le tas, bien, vous avez l'Actor Studio aux États-Unis, à New York. Vous avez... Le musée Grévin, oui, les statues de cire ont une façon de prononcer d'une manière extrêmement intéressante, puisqu'elles font le muet très longtemps. Le muet, c'est ce qui est important. Charlie Chaplin disait, dans un film à lui de 1918, et nous allons écouter maintenant la séquence, ce qu'il avait à dire. Non, mais si c'est pas vrai, hein? C'est merveilleux ce qui vient de... Oui, mais c'est un film muet, donc... faut comprendre le muet. Sinon, ben, vous restez de cire. Ah! Grave, c'est bon, ça! Mais c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai compris! Hé, hey, monsieur, hein? La matière grise s'est dégraissée! Hein, le crotté! Excusez-moi. Bon, alors, Marie... Il faut s'arrêter un peu pour admirer. C'est comme un plat. Quand on amène le plat principal, c'est lui, là, le spectacle. Là. C'est le premier. Tu sais, c'est ça qui se passe. Là. Au même titre que... Puis je vais vous le faire, là, Marie Desrosiers. Il n'y a pas de problème. Je vais vous le faire. Là. C'est un rappel. Et on va se dire que c'est un rappel. Il y a un leader d'un groupe qui s'appelle Chris Cornell. Il fait un spectacle exceptionnel à Détroit. Entre dans sa chambre d'hôtel après le concert et se suicide. c'est la vie. Quand même assez simple de dire ça, c'est la vie. Alors, Marie... Alors, oh oui, ben, je vais vous le... Ben, oui, c'est comme sur canapé, donc on va... Oui. Alors, on vous amène le truc en vous disant « Voici ». OK? Alors, voici le nom et prénom de l'artiste, comédienne. Marie Desroses. Merci. Merci. Mon spectateur qui m'écoutait, merci. C'est très gentil. On revient la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci. Hey, pas fini, là. Fini à minuit, à 2h15, 2h30, 3h, 5h. On s'en... On se conforme. On se conforme à ce qu'on nous a dit. Errance rénaldienne, c'est 120 minutes. 122, on est gentil. 123, on est moins gentil. 124, puis 125, Tania appelle. 126, qu'est-ce qui se passe? 127, oui, OK, man. C'est une blague. C'est une... Merci. Bonjour. Je voulais juste dire comme ça rapidement, là. Bonjour à Tania. Ça, c'est rapide, ça? Même pas 5 secondes. Daniel Mercoux, ça dure quoi? Pom, pom, pom, pom. Mais il le mérite comme Tania. Vous méritez un beau bonjour. Tania s'offre beaucoup pour CKRL. Mon ami Marcou se donne énormément pour CKRL. Monsieur Fortin, Daniel Fortin, se donne à 100 000 $ pour CKRL est tenu par des forcenés. Des gens qui n'abandonnent jamais et qui cherchent encore à aller plus loin. Moi, je vous remercie infiniment. Pour la dernière, là, c'est ma façon de vous dire, de vous tirer mon chapeau. Bon, là, certains vont dire, ouais, mais il tire son chapeau après ça. Ben moi, après le chapeau, là, lorsque les soirées sont bien, olé, olé, je tire le chapeau, je tire le monde entier. Là, la mariée court après. C'est souvent dans les noces. Ou aussi, ce qui me plaît davantage de plus en plus, c'est lors, et ça, écoutez, c'est mon côté underground, c'est les divorces. J'adore les divorces. Oh, on m'invite là, de plus en plus au divorce, faire un spectacle sur des... Ah, les divorces. Là, je fais une petite recherche rapide, là, le nom des deux, hein, des deux criminels. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé pour, tu sais? Cocu, bon, ah, là, je monte un spectacle de 15-20 minutes. Là, chose d'assez... De puncher, là. Ah, la police arrive tout le temps. Puis, ah, le panier à salade. Ça fait à peu près, quoi, j'ai fait ça 15 ou 16 fois. Je suis allé 14 fois en prison à cause de ça. Ah, je me fais une réputation, là. Et, sur Google, Rénal Gagné. Allez voir Rénal, R-A-Y-N-A-L-D, G-A-G-N-E, accent aigu. Vous allez me voir avec la photo, là. Oh! Là, je fais des petits clins d'œil. Ben, il faut pas rire. Il faut enlever ses lunettes, son dentier. Oh, c'est merveilleux. Bon. On reste tranquille. Je vais vous présenter mon invité. Comme c'est la dernière de l'année, mais pas de l'année, mais oui, de l'année estivale, je vais vous concocter, comme à la belle époque, à l'époque de la bonne chanson, les gens nous tendent où ses portes. On passait tous au salon, dans la veille avec ma mère. On choisissait un cahier, et c'était toujours mon père qui fredonnait les premiers. Doux souvenirs de ma jeunesse. Venez à moi, petits enfants, je ferai de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. C'était fête dans la ville, c'était si beau que j'en perdis la raison. On fêtait les sept Cécile et tout le monde portait ce nom. Une chanson de Jean Lapointe. Alors, monsieur le président, messieurs les patrons, pendant ce temps-là, je dépliais les feuilles. Ça paraissait pas, hein? Le professionnalisme, c'est ça. Ça paraît pas. Ça coule de source. Ça coule de source. Quand je dis ça coule de source, amène-moi une eau minérale, ça coule de source. C'est pas compliqué, là, c'est un message. C'est pas subliminal, ça, c'est du concret, concret. Concret quand on le dit. Je le crée, je le dis, là. Je viens de le créer. Tous les créateurs sont des géniteurs. Aïe, aïe. Monsieur, aïe, il se dit des affaires ce soir, là. Oh, boy, on se met dans l'embarras. Oh! Je sais pas où ça va nous amener. Selon moi, là, rapidement, je prends même pas le temps, là, ça va nous amener à la fin de l'émission. Oh, merci! Vous êtes éliminé? Non, je suis René Grenier. Oui. Donc, je fais, OK. Vous faites, OK. Et nous faisons. OK. Monsieur le Président, c'est clair, ça. Pas compliqué. Quand c'est clair, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'il doit avoir, comme toute chose, il doit avoir certaines... comment tu appelles ça en grammaire? Des exceptions. Oh! Hein, ça vient vite, hein? Oui, des exceptions. Il y a toujours des exceptions. C'est ce qui fait que la langue française n'est pas facile. C'est les exceptions. Exceptionnellement, ce soir, il n'y aura pas d'exception. Ce sera chaotique et anarchiste. Pamphlétaire, libertaire, mon noir, il va faire noir à soir. On commence maintenant. Mon doux, c'est comme la voix d'Antonin Artaud, ça. J'espère que je finirai pas comme lui, avec un seul bas, à poil et un seul bas. Il était à poil, on l'a retrouvé nu, mais avec un bas au pied, qui était comme presque extirpé, mais qui le retenait. C'est fou. C'est fou. Antonin Artaud, c'est fou. C'est fou. C'est fou son histoire. C'est fou. Mais selon moi, Antonin Artaud n'était pas fou. Et selon moi, la folie n'existe pas. Il n'y a que d'autres dimensions. Puis pour ramener ça facilement dans la discussion, dans la compréhension, on dit que ces gens-là sont fous, que nous sommes fous. Je m'inclus là-dedans. Qu'est-ce que la folie? C'est sans doute ce que l'on peut pas, ce que l'on ne peut pas comprendre du premier coup. Donc, ce que l'on ne peut pas saisir du premier coup, ce que l'on ne peut pas apprécier du premier coup, c'est ce qui nous semble peut-être, sans doute, obscur et dérangé. Mais ce qui est dérangé, est-ce que c'est celui qui le dit ou celui qui l'écoute? Monsieur le Président? Ça, c'est le public là, silencieux. Monsieur le Président, messieurs les prêtres catholiques, mesdames les voluptés, le public a cette voix-là. C'est comme des fantômes. C'est comme des fantômes. Comme des fantômes. Qu'est-ce qu'un fantôme? Oh, mon... Moi, sur mon micro, j'ai la version fantôme. Mes micros, il y en a qui sont fantômes ou pas fantômes. Puis si tu payes sur le fantôme, puis c'est pas fantôme, fait... C'est quand même assez clair, ça. Pour les techniciens sonores, hein, vous avez pris votre pied, là. C'est un bon gag pour les autres. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Hein? Fantôme, pas fantôme. Hein? Alors, Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vos chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission, bienvenue à la dernière émission estivale d'Errance rénaldienne. Bienvenue aussi à la douce rénalité. À l'histoire finement improvisée. Finement, il faudrait que je l'enlève, ça. Pour mettre à l'histoire improvisée. Avec votre magicien du surréalisme. Fring! Quand je fais ça, là, c'est comme... vous voyez, là, il y avait un générique dans les années 70 de Walt Disney. Puis il y avait la petite fille qui descendait. Puis qui, avec sa baguette, fring! On voyait comme... Ça, c'est le fringue de cette la fille. Avec votre magicien du surréalisme, fring, reine. Avez-vous là? On l'a vu, hein, la fée? Mini-fée! Et le Rénal le néant gagné. Attention. Ça, attention, parce que à cette heure-ci, on peut, là. Puisque les ondes sont moindres. Donc, davantage. Je comprends pas ce qu'il vient de dire. Pas grave, vas-y. Pas grave. Quoi, ne pas comprendre? Pas grave, OK. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Ça fait froid dans le dos. L'absurde aventure de... Oui, ça fait froid dans le dos. Bon. Lâche la glace, Raymond, ça fait froid dans le dos. Bon. Non, ce que vous venez de dire, là. Oui, ça fait froid dans le dos. Bon, OK. L'absurde aventure, ça fait pas froid dans le dos, OK. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald le néant gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, aujourd'hui, le vendredi 1er septembre 2017. Je décroche comme un rapper. Un dérapper. Aujourd'hui, le vendredi 1er septembre 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien et pour nous envelopper dans une sensation exceptionnelle, unissons-nous autour de mon ami. Ben oui, est-ce que c'est ton ami? Ben, selon moi, oui. Mais selon elle, je sais pas. Tu sais, on dit, je suis ton ami, puis on croit que c'est vrai, on se rend compte qu'il en est rien. Mais j'espère, sincèrement, que Marie... Des roses. Les, mon ami. Ben, on va le savoir. Si elle t'envoie des mots en disant « Ah, c'était bien, c'était intéressant, ça me semblait bien », ça veut dire que c'est mitigé. Mais si elle arrive, elle va « C'est génial, c'est le tube, c'est... j'ai été scotché! » OK. Alors, scotchons-nous maintenant. excuse-moi du retard. Bonjour. Ah, il n'y a pas de problème. Ça va le Canada? Ça va bien, le Québec. Le Québec? Non, pas le Canada, non, non, non. Je te présente Teddy. Oh, bonjour. Bonjour. Ah. Excuse-nous de notre retard. Ben non, c'est pas grave. Comment il s'appelle? Teddy. Teddy. Il y a chaud, Teddy? Un peu, hein? Ben, oui. Il y a toujours chaud, lui. Elles sont belles, ces lunettes? T'as vu, ces lunettes du scooter? Hey! Ça va? Tu attends pas depuis trop longtemps? Non, non, non, je suis arrivé à I-10. Cool. Mais oui. Hop là. Alors, laisse-moi juste... Pour petit père. Hop là. Voilà. Hey. Allez, mon gros, on sort. Ah, tabarnouche. Ça t'apprendra, les gros. Yep. Hop là. Non, oh, il y a chaud là-dessus. Alors, c'est rigolo hein, quand on lave un petit chien comme ça. Et quand... qu'il devient tout gros, oh! tout maigre. Non, tout maigre, par exemple. Ah, tu m'étonnes. Donc, à chaque fois, il va se baigner dans une sorte de rivière par chez moi. Ok. Et on ressort, on dirait que c'est pas mon chien, de ces échecs. Mais non, ce n'est pas mon chien. Mais c'est laid, hein, quand c'est petit. C'est... Ah, il est tout petit, tout moche, comme ça, on dirait qu'il mange pas. C'est tombé. Sinon, toi, ça va? Ça va, avec la chaleur, tout ça. Non, on est bien, enfin. Eh ben, écoute, t'as de la chance d'arriver ici et qu'il fasse ce temps-là. Non, parce que... je m'en vais. Je m'en vais demain. Donc, ah, donc le soleil te dit au revoir. Ben, pendant 6 jours, c'était pas très bien. Là. Oh, bon, merci, c'était même dégueulasse. Et les 3 dernières journées, ben là, c'est ça. C'est les 4 mois. C'est au moins pour dire au revoir. Quoi. Ah oui, peut-être. C'est la gentillesse... de la France. De Paris, oui. Sinon... moi, ce qui m'a intéressé, c'est ton cursus. Ouais, la sociologie? Non, non, non. Ben aussi, parce que lorsqu'on veut devenir humoriste, entre guillemets, connaître les gens, c'est intéressant pour, c'est vrai. Pour aller chercher les points forts ou les points faibles de chaque individu et les mettre en valeur pour ridiculiser ou pour... Les mettre en avant, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais vous prendre un coca fraise, s'il vous plaît. Avec une ronde d'alcool. Donc c'est ça, l'humour vient en sorte que tes cours en sociologie appuient ton travail d'humoriste. Alors aujourd'hui, moi je pense que mes cours de sociologie, ça appuie plus mon raisonnement, ma logique, parce que je t'avouerai que là, mon spectacle en tout cas, il tourne plus sur une réflexion... One Man Show. C'est mon ancien titre, ça. Le nouveau, je pense qu'il va s'appeler L'Insoumise. Ok, mais c'est pas encore... Je suis censée faire mon showcase en septembre, point virgule. Donc là, je suis en train de finir vraiment boucler l'écriture, tout ça. Avec qui tu travailles? Je travaille avec Romain Chélan. En fait, c'est mon ami depuis le début. On a commencé ensemble en 2008-2009, là. Et lui, c'est un auteur quand même aujourd'hui qui écrit pour Roumanoff, pour Dahan. Il a bien percé, je suis très fière de lui. Et, avec de la fraise, s'il vous plaît, un petit peu pour moi. C'est possible? Bien sucré, là. C'est pas assez sucré, le coca. Tu viens de la Normandie? Ma grand-mère, j'ai grandi en Normandie Merci. Jusqu'à mes 12 ans, 12-13 ans. Avec le citron, non, avec le citron aussi. La totale. Quel rade, hein. C'est soit citron, soit la fraise, hein. Et pas l'air, ouais. Non, jamais. Faut se sortir un doigt du cul, mon pote. Ouais, hein. Je sais quoi. La Normandie, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'avoir vécu là? Alors moi, je sais que ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que j'étais un petit caméléon. Je sais pas comment te dire, parce que du coup j'ai grandi en Normandie avec ma grand-mère, mes oncles et des gens qui étaient très paysans. Ensuite je suis partie, merci beaucoup chef. Ensuite je suis partie habiter à Melun, donc avec un beau-père qui était en prison, une belle-mère qui travaillait à l'usine et un environnement assez... ce que j'ai m'expliqué dans mon premier spectacle, j'ai eu l'impression de passer de la petite maison dans la prairie à Prison Break. Ah oui. Tu vois un peu l'environnement. Ah ouais. Et dans tous les milieux, en fait, je me suis sentie un peu chez moi et sans. Tu vois ce que je veux dire? Alors, t'es un caméléon. Exactement. C'est un peu comme ça que je vois le délire, quoi. Et la vie pour toi, c'est un délire? Bah, la vie pour moi, en tout cas, c'est de l'écoute. Je m'écoute beaucoup. Et t'écoutes les autres? J'essaye. Mais. T'essayes parce que c'est bah, j'écoute les gens, mais je prends pas forcément la. Je sais que. Ah, oh, tu claques, merci beaucoup. Alors là, tu t'es fait un copain. Hein. mais oui, sinon, ouais, moi j'ai décidé de passer ma vie à jouer. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Mais au début, tu devais être comédienne, simplement. Pas du tout. Au début, j'avais pas du tout une carrière de comédienne. J'ai fait une. En sociologie, ouais. Voilà, j'ai fait mon master de sociaux. Et après, je me suis barrée pendant un an en Angleterre. Parce que, en fait, j'ai fait plaisir à mes parents. Voilà, j'ai eu un diplôme. Je finirais tu pas à l'usine. Exactement, j'ai eu mon bac plus 5 en vous remerciant. Oh! quand même. Okay, c'est bien, merci. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mon pote, mais il y en a dans la caboche. On va s'en vanter un peu. Il n'y a que ça à vanter, donc faut bien le dire quand même. Oui, j'ai des diplômes qui servent à rien aujourd'hui, mais des diplômes quand même. Mais non, et du coup, après, je suis partie en Angleterre pendant un an pour prendre un peu de recul, et je suis revenue, et c'est là que j'ai décidé d'utiliser mes talents d'auteur pour l'humour et écrire. Pourquoi l'humour ? Parce que je pense que c'est une façon pour moi de pouvoir rire des choses tristes. Et dures, exactement. Je viens d'un milieu très dur, et du coup, c'est une façon pour moi de pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de ça. Moi, j'écris beaucoup, ne serait-ce que là, mon nouveau spectacle, je vais essayer de parler des conditions à l'usine de ma mère, de mon père en prison, et de ce genre de choses. Tu vois, et pour montrer que c'est pas parce qu'on vient de ce genre de milieu qu'on est forcément quelqu'un derrière de déviant ou d'y rester, exactement, tu vois. C'est vrai qu'on nous impose des cases sociales, des choses en France, surtout beaucoup, on a du mal à sortir d'une case. Et j'explique dans mon spectacle, mais c'est vrai que si j'avais été la fille de Liliane Bettencourt, tu vois, on m'aurait appris à gérer une entreprise. Oui. Bon, maintenant, moi, je suis la fille de Morissette Desrolles. Tu vois, on m'a dit, toi, tu vas fermer les œufs dans la boîte, tu vois, c'était dans l'usine. Et du coup, j'ai dit, non. Non, est-ce que tu l'as déjà fait ? Ouais, depuis mes 16 ans. En fait, je le faisais pendant mes vacances scolaires. Ma mère m'emmenait, c'était le piston. Mmh. Non, on est pistonné les vacances scolaires. Elle m'a dit, viens, on va te montrer c'est quoi le travail. Je vais avoir 16 ans, 16 ans et demi, voilà. Après, j'étais à la fac et pendant que j'étais à la fac, je travaillais aussi à côté. J'étais pompiste. Ah, mais moi aussi. Chez Total. Ah, ouais, Esso. Esso, avant, on était les concurrents directs. Ouais, c'est ça. Mais non, parce que nous, ça n'existe pas, Total. Ah, il n'y a pas Total chez vous ? Non. C'est non. BP, c'est qui chez vous ? Il y a Shell, il y a Ultraman. Axon, non, ou je sais pas quoi, là. Axon, oui, mais Axon, c'est aux États-Unis, c'est la filière d'Esso. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Mais ouais, j'ai fait ça pendant 28 ans. Donc, oui, toi, mais c'est à ce moment-là que tu t'es dit. Et ça t'a renforcé dans... Je t'avouerais que même quand j'étais petite, tu vois, avec dans mon quartier, on faisait des ateliers théâtre pour nous faire partir en vacances avec la maison de quartier, en fait. C'est bien, ok. Et du coup, on écrivait des trucs, on les vendait à des sortes de centres de vacances dans le sud, à Cassis et tout. Oui. Et du coup, en échange de 2-3 représentations, on partait 15 jours en vacances chez eux. Tu peux répondre, il n'y a pas de problème. Non, ouais, c'était juste un texto pour demain. Voilà. Non, mais tu peux répondre. Hein. Non, c'était juste un texto pour la pièce de demain. Ok. Et voilà, quoi. Donc, ça t'a renforcé de travailler très jeune, histoire de ne pas pouvoir faire ça tout le temps. Exactement. C'est pour ça aussi que j'ai fait des études aussi, je pense. D'ailleurs, quand j'ai fait un peu d'usine comme ça, je dis, c'est mort, je peux pas faire ça toute ma life, en fait, tu vois. Fermer des boîtes et fermer ma gueule comme ça pendant 7 heures, c'est pas possible. Et il y en a qui l'ont fait. Marom, elle l'a fait pendant 40 ans, quoi. Tu vois, je me dis, elle l'a fait pour toute la famille maintenant, c'est beau, j'ai pas besoin de... Et aujourd'hui, est-ce que ta mère est encore de ce monde ? Ah oui, ma mère est encore de ce monde. Aujourd'hui, elle a arrêté son travail parce qu'elle a les os de son bras qui s'effritent, à force d'avoir fait toujours le même mouvement, un peu le délire. Sinon, elle est toujours là, quoi. Comment elle voit la retraite après avoir travaillé autant dans... Bah, va la voir avec un cancer, je pense. Tu veux, comme tout le monde, tu veux qu'elle la voit comment la retraite. Tout le monde, le cancer n'est pas nécessairement obligatoire. En France, après 40 ans d'usine, 50-40 ans d'usine, tu sais, tu finis pas forcément dans un bel état, quoi. Ouais, mais là, de la... Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas une vision très, très optimiste de la vie. Et je pense que le cancer, c'est un truc qu'on nous met en nous. Au-delà même que de l'attraper, c'est un truc qu'il faut en sorte qu'on attrape pour éviter de payer des retraites. Okay. Voilà ma vision du monde. Mieux, c'est de mourir à 65 ans. Exactement. T'as fini de cotiser, maintenant tu sers plus à rien, on peut pas t'entretenir. Vite, c'est maintenant, tu vois. Et là, on arrête de donner des médicaments qui continuent à te rendre malade, longtemps. I love you. I love you. all to myself. Écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza juguetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arremata esta zampa que me roba el corazón. Bossa nova, uva, bossa nova. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Cuando asome en la mañana su sonrisa de La Habana, con su suave movimiento tan ligeros como el viento, que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana, como noche luminosa de esta tierra tan hermosa, como el beso de una moza coquetona y amorosa. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. C'est ça aussi pour oublier qu'on doit te payer. Tu vois. Comme ça, tu reçois pas d'argent, mais tu sais pas. Tu sais pas. Ouais, tu, vois. Tu vois, ils sont très malins. Non, non, c'est vrai que moi j'ai une vision assez c'est négative de notre système. C'est fataliste. Ouais, ouais, ouais, parce que je pense vraiment qu'on se fait baiser un peu partout, qu'on est contrôlé, manipulé. Ça, c'est mon côté sociologue en fait. Et le succès que tu as eu avec le One Man Meuf, puisque tu l'as fait une fois et tu l'as repris par la suite. Ouais. Il y a eu comme un arrêt, puis après ça, est-ce qu'il y a eu de la demande pour la reprendre? Pardon? Est-ce qu'il y a eu une demande pour reprendre ce Oui, spectacle? Alors oui, oui. Bah, déjà, en fait, je l'ai repris parce qu'il y a un théâtre qui a voulu que je rejoue chez eux. Après, j'avais arrêté parce que justement, je voulais reprendre mon écriture. Au début, je t'avouerais que j'avais pas une écriture très engagée. Okay. Un début de stand-up, c'est-à-dire histoire de se mettre à l'aise sur scène, comme j'ai pas de base de théâtre ou quoi que ce soit. Du coup, effectivement, je ne parlais pas de choses très. Je m'engageais pas dans mes textes, tu vois. Je parlais de mes cheveux, de voilà. Assez une noire avec une tête d'arabe, on rigole, on fait un peu de communautaire, mais pas trop, sans forcément s'engager. On parle des vêtements, de trucs très lisses, tu vois. Et après, je me suis dit, mais ça sert à quoi en fait de monter sur scène pour venir raconter ça, tu vois ce que je veux dire? Faire déplacer des gens pour leur dire, regarde, je suis de Normandie, mais je suis noire, Tu vois, et du coup, je me suis dit, non, bah maintenant, on va essayer de se servir de la socio, de la life, tu vois, de ce que, voilà, quoi, de ce que mes parents, ils ont pu m'apprendre ou pas, et d'en jouer, de pas avoir honte d'où on vient, et au contraire, tu vois, c'est ça. Mes parents étaient là, moi je suis rendu là. C'est ça, et je suis très fière d'où étaient mes parents, et c'est heureusement qu'ils partent de là, parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. Oui. Est-ce que c'est beaucoup de travail, du premier One Man Show jusqu'à celui-là? Énormément. Déjà sur moi-même, en fait, je pense qu'au-delà de l'écriture, je pense que c'est un travail sur moi. essayer de prendre une confiance en moi-même, en mon écriture, et me détacher du regard des gens. Okay. C'est-à-dire, c'est très important, réussir à monter sur scène sans vouloir faire rire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Réussir à... Juste le présent. Exactement, être présent, dire ce que j'ai à dire qui m'importe, qui me touche. Maintenant, si les gens, ça les fait rire, tant mieux. Si ça les fait pas rire, j'ai eu quelque chose à leur dire. Ok. Ça peut devenir, non pas juste drôle, mais... ça peut être un message. Exactement. Moi, je pense que... Au-delà d'être drôle, je pense que tu peux être drôle en étant sincère. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ta sincérité, la vérité, des fois, il suffit même pas de trouver de punch ou de gaz. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit d'être sincère. Tu sors des chiffres, des vrais chiffres, les gens vont rire ou applaudir parce qu'ils vont dire « Ah, bah ouais, effectivement, tu nous as... » Un peu comme Guy Bedos fait. Exactement. Ou même, tu prenais du Coluche à l'époque. Je suis désolée, le mec, il disait une vérité. Il avait juste la bonne intonation et le bon truc, et bam, tu vois ce que je veux dire? C'était pas... Et surtout quand c'est crié à vérité, les c'est gens se mettent à rire. C'est ça. Moi aujourd'hui, quand je parle de ma mère par exemple à l'usine, là j'ai trouvé. Je savais pas comment amener la chose pour que ça en prenne un peu un côté risible. Et en fait, j'explique qu'elle a travaillé 30 ans dans une boîte, elle a fermé pendant des millions de boîtes d'œufs pendant 30 ans, tu sais, elle travaille dans une ferme industrielle, un camp de concentration pour poules. Exactement. Tu vois un peu le délire? Oh, oui. Et en fait, elle s'est fait virer au bout de 30 ans et on lui a donné 2 500 € de prime de départ. En lui serrant la main, merci, bye. Et encore la main, je pense pas, parce qu'elle devait avoir. Dans le cul. Exactement, tu vois, et casse-toi et ferme ta gueule en même temps, ouais, tu vois. Ça. Et son patron, il s'est barré, c'est un mec qui avait racheté la boîte et il a dû rester un an dans la boîte, il a dû se barrer à peu près avec 1 million, comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai voulu dénoncer un peu le grand capitalisme comme ça, en expliquant que... Capitalisme sauvage. Bah un peu, ouais, tu vois, et que tu vois les grands patrons qui se barrent avec... qui en moyenne touchent 2 siècles et demi de SMIC, d'un SMIC, tu vois. Ouais. Et si pour en repartir avec les autres, ça fait quand même 120 ans d'un salaire moyen et 70 ans d'un cadre par an. Maintenant, si tout le monde trouve ça normal, allez bosser, mes potes, c'est pas grave. Oui, je touche le RSA, et alors? Tu vois ce que je veux dire? Ça me dérange pas. Et après, effectivement, le problème dans notre société, c'est que les gens vont dire « Oui, le problème, c'est les chômeurs et les gens du RSA. Regarde, ils profitent du système. » Je pense que s'il y a des gens qui profitent du système, c'est pas ceux qui touchent 400 balles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ceux qui touchent 400 balles qui profitent du système. Allez voir ceux qui touchent 2 siècles et demi et allez leur poser la question à eux, tu vois? Parce que moi, on me dit, ouais, tu fous rien. Si, moi, j'écris chez moi, effectivement, je joue dans des caves où je suis payé au chapeau, mais c'est un choix, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout. Est-ce que c'est difficile de vivre de l'humour ou si après le premier one-man show, il s'est passé quelque chose et que la notoriété commence à boucherer, commence à. Alors, moi, je t'avouerais que c'est pas par mon one qui m'a. J'ai pas réussi à avoir mon intermittence par mon one. Quoique j'ai tourné avec en province, tout ça, j'ai fait ma petite progrès à Paris. Là, c'est une pièce de théâtre dans laquelle c'est un duo. C'est ce que tu viens de... Ouais. Exactement, j'ai écrit un duo, là que je joue au point virgule. Ouais. Mais tu as commencé au bout. Ouais, j'ai fait mon premier stage en 2008, un stage d'une semaine au bout. Effectivement, c'est là que j'ai rencontré Romain, etc., avec qui je continue d'écrire. Mais c'est une belle école quand même. Mais une semaine, c'est rapide. Bah, c'était très court. Vraiment, moi, je pense que ça m'a été utile. Une vite technique, synthétiser pour la technique. Ouais, c'était plus mettre un pied dedans, en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'a permis surtout de faire des belles rencontres. Okay. Tu vois des gens qui étaient dans ce stage et qui sont devenus aujourd'hui mes amis, la famille, ma et famille de cœur. Et que tu as pu vampiriser puis ramener avec toi. Exactement. Ou eux qui m'ont vampirisé, je sais pas, mais on s'est vampirisé en tout cas. Et du coup, je suis très contente de les avoir rencontrés là-bas parce que aujourd'hui, là après toi, j'ai rendez-vous avec Romain encore. On va aller écrire au soleil. On écrit des blagues, voilà, on est content, on fait des joints, on écrit des blagues. C'est ça, mais comment ça se passe? C'est ça, c'est tu es devant quelqu'un et vous lancez des répliques? Alors, avec Romain, généralement. Alors, comment on écrit? Moi, je sais que soit je prends mon ordinateur qui est là, tu vois. Et, mais il n'y a pas de magnéto comme ça ici? Si j'ai mon dictaphone, là-dessus, quand t'es avec Romain, quand on est en plus en débrief, tu vois, d'idées, de choses, je mets le dictaphone pour laisser le truc. Parce qu'il peut passer des choses que tu peux pas prendre. Exactement, tu vois, à un moment on se tape une barre sur un truc, bang, bang, bang, et bang, il suffit bang, que juste, en fait tellement c'était sur le coup, tu t'en rappelles même pas de comment t'as formulé le truc. Exactement. Et après t'auras beau rechercher toute ta life, tu trouves pas quoi. Fini. Tu vois, t'as l'idée mais t'as plus le bon rythme, la bonne construction. Et l'impression que tu vois d'avoir... Oublier ce truc-là, c'est abominable. C'est atroce. C'est abominable. Mais c'est comme quand, tu sais, moi, je sais que mes plus belles vannes, je les trouve quand je dors. Tu vois, et si je me réveille pas pour. Et des fois, je me réveille un quart de seconde trop tard. Ah, ok. Tu vois, et je me dis, oh putain, mais non. Mais et tu sais, j'ai encore vaguement l'idée, et je la note, et le lendemain, je me dis, c'est ça. Tu dis, c'est la vanne de 4h du mat, et tu dis, dommage. Mais lorsque tu l'écris, tu dis, c'est. Mais oui, dans ta tête, tu pleures de rire. Tu sais, tu pleures de rire en toi, tu dis, oh putain, elle est trop bien. Ah non, c'est pas si drôle que ça, en fait. Mais non, non, et après, je pense que les... Moi, je sais que mes vannes les plus vraies, les plus... c'est des trucs que j'ai trouvé généralement en impro, sur scène, à la suite, tu vois, de, d'un, avec un public qui est bien présent, qui réagit, avec qui tu t'es à l'aise, avec qui tu, tu peux échanger facilement, en fait, tu vois. Et comment tu, tu appréhendes? Est-ce que tu appréhendes ce deuxième spectacle? Un peu, je t'avouerai que j'appréhende assez parce que justement, là, je fais de l'humour un peu profond. Donc, c'est vrai que avant, moi, j'avais un humour assez trash, okay, assez brut. Je parlais beaucoup de cul, enfin de cul, mais avec du fond quand même. C'est-à-dire que je venais parler de... Je comprenais pas pourquoi, par exemple, la masturbation, c'est encore tabou pour les filles, alors qu'on est en 2016, tu vois. Oh, ouais. Les mecs, ils en font des expressions, ils se disent, ouais, moi, je m'en branle. Ouais. Alors que nous, tu sais, tu parles de ça, t'as l'impression que t'es mal vu direct, toi, ouais, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que les gens qui me connaissent que par de ces sketchs peuvent avoir une image de moi d'un peu brute. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles arrivent. Et il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Et c'est surtout que j'aime pas compliquer de dire des choses avec des mots compliqués alors que tu peux le dire avec des mots simples. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, pour toucher tout le monde, effectivement, des fois ça peut être assez brut et les gens vont faire « Ah, elle a dit le mot bite !» Ben oui, mais t'appelles ça comment? Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on se scandalise pas de... Il y a des gens quand même, tu vois, il y a des gens qui... Ouais, mais ils vont pas te voir, c'est pas ce genre de public-là que tu dois attirer. Exactement, c'est le genre de public, je m'en fous, moi. Ah non. Du coup, voilà, mais après, dans mes débuts, j'avoue que j'étais assez touchée quand ce genre de personnes venaient me voir et me disaient « Je suis un peu vulgaire quand même !» Alors du coup, mais aujourd'hui, moi j'ai... Mais ça parce que ça vient d'une fille. Oui, et aussi, non, et bien donc, sûr. Le garçon a le droit de dire toutes bitch les questions. Bitch, couille, tout ce qu'il veut, c'est ça, pas grave. Exactement. C'est pas grave. Et bien sûr, je sais que... Il peut s'en branler. Venant d'une fille, il y a plein de choses que quand t'abordes, ça peut être choquant ou... tu vois, mais je les emmerde parce que je suis pas là pour le... Je suis pas là pour faire plaisir au public, en fait. Je suis là pour raconter des choses. Ah, t'es, et... pas... Okay, t'es pas là pour faire plaisir au public. Je suis là pour... Non, sincèrement, je suis pas là pour faire plaisir au public. Je suis là pour me faire plaisir et si ça peut les toucher et en même temps leur parler et les faire rire avec moi dans mon univers, je suis contente, tu vois. Mais je t'avoue que moi, pendant 2-3 ans, mes deux premières années, par exemple, j'essayais d'écrire pour faire plaisir aux gens. Et plus t'essayes de faire plaisir aux gens, moins ça marche, en fait. Est-ce qu'on peut parler d'univers? T'as-tu planté déjà ton univers après, ouais, le deuxième Ouais, ouais. Là, j'essaye de mon univers, c'est un univers très prolo. OK. Très prolo, où je montre que effectivement. Urbain. Prolétaire, okay. Tu vois, vraiment, j'essaie de mettre le côté très prolétaire de la pauvreté, mais comment est-ce qu'on peut être heureux et pauvre, en fait? Comment ma mère, elle m'a montré que c'est pas l'argent qui fait le bonheur? Comment est-ce que le système économique, en fait, te fera que même tu auras beau travailler toute ta vie, tu ne deviendras jamais riche parce que c'est pas l'argent qui fait... C'est pas le travail qui fait la richesse, non, sinon non, ça se saurait. C'est une richesse intellectuelle, c'est une richesse... Comme... Surtout, c'est que les gens les plus riches du monde ne travaillent pas, ils font travailler les autres. Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire? Si c'était le travail qui rendrait riche, ma mère serait millionnaire depuis longtemps. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, c'est... Vous voulez qu'on pousse? Non, ça va. C'est bon, c'est cool? Mais en même temps, crois-tu que l'humour que tu utilises va modifier la façon de voir des gens ou tu t'en balances et pas bien? Bah écoute, moi, je le fais pour... Après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, en tout cas, c'est l'axe et les angles sur lesquels je m'oriente. Tu vois, mais maintenant, effectivement, j'aimerais pouvoir un jour que, ne serait-ce que participer un peu à l'éveil des consciences vis-à-vis de ça, tu vois. Par l'humour, effectivement, tu vois. Par un... Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas et qu'ils ont quand même rigolé, bah voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est... Mais après, maintenant, je pense que c'est assez compliqué parce qu'on est quand même on est un peuple aujourd'hui qui est assez conditionné, que ce soit par le travail. Tu fais journée, boulot, dodo, tu rentres chez toi, tu regardes des trucs de merde à la télé qui te ramollissent encore plus le cerveau et qui font que tu te réveilles le matin et que t'es quand même content d'aller fermer des boîtes pendant 7 heures et qu'on te file un SMIC et que le seul but de ce SMIC, c'est de pouvoir te permettre d'avoir des crédits pour payer des dettes et en fait, tu crèves avec des dettes que tu vas faire hériter à tes gamins. Tu vois, juste essayer de faire comprendre un système à des gens où effectivement on est content parce qu'on peut avoir des voitures à crédit, des télés à crédit, des maisons à crédit et que t'as l'impression d'avoir une certaine richesse parce que tu dis ah regarde j'ai une maison mais que tes enfants ils vont finir de payer dans 150 ans en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc juste, moi je sais que je vis dans un studio où je suis locataire et j'ai un scooter que j'ai acheté sur le bon coin, un chien que j'ai acheté sur le bon coin et une life où je vis du RSA. Tu l'as eu à quel âge ton chien? Je l'ai eu, il avait 2 mois. Là, il a 10 mois, ça fait pas très longtemps. Juste 10 mois? Ouais! Il semble qu'il est gros. Ouais, il est grave gros. Et c'est un gros. C'était un quoi? Un spitz. Un spitz. Un petit spitz. Est-ce que c'est devenu un de tes confidents? C'est mon pote. Ouais. Et les gens disent c'est mon fils. J'aime pas cette expression. Non, je dis non, c'est pas mon fils, c'est mon pote. Ouais. Mais le travail que tu fais actuellement, est-ce que ça boucle le deuxième. Le deuxième one-man show que tu prépares, êtes-vous rendu loin dans la création ou si c'est tout nouveau? Il y a du tout nouveau, en fait. Vous êtes rendu à combien de pourcentage là, de matériel? Alors, par rapport au premier, 100%. Ben 100%. Sincèrement, après, par rapport... C'est terminé. Ouais. Le premier, en fait, j'aborde... Non, mais le deuxième est terminé. Là, oui, au niveau de l'écriture. Okay, au niveau de l'écriture. Vous allez pourquoi pour peaufiner pour... Bah pour la mise en scène. Okay. Là, il me faut la mise en scène, il me faut en fait, là, j'ai 22 pages, donc c'est encore trop long. Faut qu'on essaye. C'est pas long, c'est juste un numéro que tu prépares. Ouais. Okay. Mais, nous, on doit tabler sur 55 minutes. 55 minutes. 22 pages en 55 minutes. Bah, faut que je short parce que j'ai un rythme. 22 pages, c'est pas beaucoup. 22 pages. Bah, si, parce qu'au niveau du rythme, moi. À double éternel. En 11. Ah, ouais. Moi, je sais que généralement, mes one, ils doivent faire 16 pages, 15-16 pages. Parce que. En 55 minutes. 55 minutes, ouais. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai pas de jeu. Hein. Je fais stand-up pur. Ou du coup, c'est vrai que c'est l'écriture. J'ai un rythme assez soutenu. Et là, faut que je ralentisse un peu mon rythme de parce que ça va trop vite. De parler. Ah ouais. Ouais. Parce que comme je ramène des idées de fond, autant si tu viens parler de blagues de cul, de tac, tu l'as fait passer vite fait. Après ça, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose et le rythme, il peut être soutenu maintenant. Quand tu viens parler d'économie ou quand tu viens parler du système d'organisation du travail, etc. Si tu commences à parler à un rythme assez soutenu, avec des mots, les gens ne comprennent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Là, je sais que là, mon nouveau one, du coup, quand je te dis, j'ai envie de l'appeler l'insoumise parce que je veux l'orienter sur le fait de dire je suis comédienne. Et si j'ai fait j'ai pris un risque. C'est ça. Et si j'ai pris ce risque, c'est vraiment parce que je voulais pas prendre le risque de travailler. Tu vois l'axe, c'est l'axe de mon. Tu vas faire un choix assez un luxe de ne pas suivre le clan. C'est ça, exactement. C'est ça de et j'explique que c'est vrai que c'est j'ai choisi la case d'artiste parce que c'est la case la plus libre. Improvises-tu souvent ou c'est... Oui. En fait, dans mon watt, j'ai laissé à peu près deux passages. Où je peux parler. Au texte exactement, après. Exactement. Est-ce que c'est difficile après de revenir au texte? Non, moi. As-tu un souffleur, quelqu'un qui t'aide? Non. Mais moi, si j'ai choisi ce métier, tu vois, comme je te dis, je suis pas comédienne à la base. Du coup, si j'ai fait ça, c'est vraiment parce que j'ai une tchatche naturelle et que j'ai en impro, j'ai un truc qui me permet de pouvoir être. C'est ma force en fait. As-tu déjà fait une ligne d'improvisation? J'ai fait rapidement quand à l'époque, dans ma maison de quartier, okay. À l'époque, tout ça. C'est un peu la façon dont ils arrivaient à nous canaliser nos énergies. C'est la boxe. J'ai fait 7 ans de boxe thaï et 3 ans d'impro. Okay. Ça m'a permis de me canaliser. Ouais, c'est ça, de tranquilliser un peu et de laisser ça. Et de laisser les autres qui me laissent tranquille sur le domaine. Oui, c'est ça, avec ça, oui, effectivement, on reste gentil. C'est les autres. Mais on ne sait pas avant de se faire attaquer. Ça se voit. Ah, ça se voit, ok. Ok, tu commences à... À un moment, j'ai un visage où les gens ils disent « C'est bizarre, oh. Elle a pas peur. Oh, » ouais, okay. Oh, oh, oui, ok, t'as honte. Quand il y a des gros becs balèzes, ils disent « Pourquoi elle bouge pas ?» C'est bizarre. C'est, ouais, c'est, ouais, bizarre. C'est pas bon signe, on va s'en aller. On va se tirer. Le travail que tu fais, est-ce que c'est demandant? Es-tu souvent en mode création? Ou là, tu peaufines actuellement et c'est fini? Tu non, dis, voilà. non, c'est un truc qui est... Comme c'est sur ma life, quand même, je trouve que c'est un truc qui est en sans cesse évolution, ça évolue tout le temps. Et s'il y a une vanne que je trouve bien et que, qui peut être incrustée quelque part. Tu peux la placer n'importe quelle. Ouais. Ouais, totalement. Libre cours. Totalement. Et c'est ça qui fait que le spectacle ne vieillit jamais. Exactement. Parce que tu le surenchéris dans. Et j'essaye de ne pas prendre trop de références. Comment te dire? Des références actuelles, entre guillemets, des trucs trop. Que dans 3 mois ils seront obsolètes, en okay, fait tu okay, vois ce que je veux dire, des trucs d'info, pas aller à la réalité. Non, okay. Exactement, tu vois, j'essaie de faire de d'écrire plus un système que un défait, voilà quoi. Qu'est-ce que tu prends dans le journal, comme exactement. Ce que faisait Gubedos, ouais, moi Milou c'était d'improvisation là, il prenait le journal puis il parlait de ce que je pensais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il veut, je sais pas, il a vu quelqu'un ou quelque chose. Ah, j'ai 10 questions. Il travaille fort. Là. Laisse-moi, t'inquiète, tu tiens. J'ai 10 questions. Dis-moi. On va voir où ça va nous amener. Dis-moi tout. Si tu étais un liquide. Un liquide? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'avais pensé à quelque chose et. Non, okay. Pas du tout. Ça m'a fait rire parce qu'au moment où j'ai bu du coca, tu ah, un oui. liquide. Ah, ouais, non, ouais, okay. Si c'est j'étais mise en un liquide, scène, là, mise en si j'étais un liquide, je pense que je serais du Red Bull. Ah, ou t'as je te donnerais des ailes. Non. Oh, publicité. J'en ai pas besoin, okay. Je suis. Mais la publicité est épouvantable. Hein? Atroce. Ah, oui. Atroce. Et planétaire, parce que ça existe aussi au Québec, cette publicité-là. Je soit du café, soit du Red Bull. Ah oui. Si tu... Histoire d'être excité. Si tu étais une ville. Une ville. Une ville. Je pense que je serais Paris. J'aime bien le côté un peu festif, ouvert. Quel arrondissement. Je pense que je prendrais soit le 18e, un petit quartier populaire, ou le 12e vers le bois de Vincennes, ah, si oui, pour oui, être un oui. peu plus bobo. Ok. Si tu, oui, c'est vrai que si tu étais une langue. Une langue? Je serais la langue de mon chien, toujours dehors. Ah oui, ok. Avoir, apprendre ce que ça veut dire de japper. Exactement. La langue du chien. À un moment donné, tu vas t'habituer, donc tu vas savoir ce qu'il veut dire. Hein. Je commence. Ah oui, ok. Et si tu étais une époque? Une époque? Oui. J'aurais bien aimé peut-être être la Révolution. La Révolution française, peut-être, tu vois, une époque assez... Chaotique. Chaotique, mais en même temps qui est un moment de révolution, comme ça porte bien son nom, mais en même temps un truc où on a l'impression que c'est une révolution et en même temps c'est pas tant une révolution que ça, tu vois ce que je veux dire, mais chez le nous, peuple est content. Une révolution tranquille, parce qu'il s'est passé quelque chose, mais tellement lentement. C'est ça, puis on a cru surtout qu'il s'est passé quelque chose. Si tu étais un mot. Un mot? Je pense que je serais merci. J'aime bien. J'aime bien le mot merci. C'est un signe de... Gratitude, de bienveillance, de je sais pas, un truc cool. J'aime bien le mot merci quand c'est bien dit. Si tu étais un aliment. Un aliment si j'étais un aliment, quel aliment j'aimerais bien être je suis pas très aliment. Tu manges pas? Pas trop, je suis pas, très, je suis pas une bouffeuse de ouf. Je pense que si j'étais un aliment, j'aimerais bien être... Mais qu'est-ce que tu manges normalement? Qu'est-ce que je mange? Je mange beaucoup de... Alors moi, mon plat préféré, ouais. Par exemple, c'est la purée jambon. Ok. Ah ouais, ben tu fais une patate. Tu vois? Eh, grave. Déjà, je serais une petite pomme de terre. On pourrait me faire en plein de trucs, en frites, oui, en purée. Oui, oui effectivement. Si tu étais une saison. Une saison? Ah, je suis l'été, moi. J'aime bien le soleil. Je suis une fille du soleil, moi. Mais t'as la peau pour aller avec. Bah, je suis réunionnaise. Hein, ouais. Quand il n'y a pas de soleil, je suis pas bien. Non. Quand, en décembre, je me barre toujours, moi. Pour aller te ressourcer. En Martinique, à La Réunion. Ah, ok, ok. Ah, oui, tu prends des vacances aussi loin. Ah, ouais, non, je vais jouer là-bas. Hein. Je me démerde toujours à avoir une programmation au soleil en décembre ou en janvier. Pour que ton billet soit payé. Puis, Exactement. Et rester en même temps, profiter du soleil, travailler. Est-ce que c'est difficile de se trouver un emploi quand on n'est pas sur place? Eh ben écoute, on a du réseau, on a avec Internet aujourd'hui, avec... Ah, c'est facile? Bah écoute, c'est pas facile, mais les gens nous contactent, quoi. Je sais que là, je suis partie jouer en Martinique cette année, ça s'est bien passé. En décembre? Ah non, en janvier? En janvier cette année? Février, mars, okay. Un truc comme ça, là. Et ça s'est super bien passé, je me suis bien entendue avec le prod, et du coup, bah, j'y retourne l'année prochaine pour aller jouer la pièce dont je t'ai parlé, là, que je vois, joue ouais. en ce moment à Paris. Et j'y retourne aussi pour mon one et aussi pour donner des cours de stand-up aux enfants de Martinique. Ah, c'est bien ça. En même temps, le bouche-à-oreille, comment ça s'installe? C'est ça, ah, c'est ça, exactement. Si tu étais un membre corporel? Un membre corporel, je pense que je serais peut-être une main. J'aime bien le côté manuel. Qui ça te rappelle ton enfance? Peut-être, exactement, fermer des boîtes. Inconsciemment, ouais, le côté manuel de ma famille. Et si tu étais un moment de la journée? Moi, je suis plus vers 3-4 heures du mat. Tu dors pas à cette heure-là? Non, je dors vers 6 heures. Two boys in the hood, number one with a bullet. Rap over rock star beats that rock mullets. Nothing in life but to be legit. Jump up in Camaros, bumping Kiss and shit. I'm old school like black t-shirts and tour dates. They dig electric guitars, we dig it through the crates. I make the type of music that your mom probably hates. Cussing for no reason, leaving food on my plate. Penetrate interstate, create a soundscape. Rock underground, never made a demo tape. Me and Double K play a hate, man it feels great. On crews that belong singing the blues on Ricky Lake. Now if it takes several breaks, chop to make the beat. I'm not making my dinner till it's ready for the street. Complete use of my tools, I rock in grade school. Sitting right around while my music smokes cools. You know the fools making the rules up in the game. People under the stairs, remember the name. The next step, question in the OST. Los Angelino people making history. While other crews pleading the PU to please stop. Me and Double chilling like truckers at rest stops. While other crews are struggling, trying to be the top. It's me and Double chilling like truckers at rest stops. Hey, rhymes and bass lines got the dub feeling nice. Your album to me was like a gang of beer with no ice. Niggas be tough up on the microphone, I wish y'all leave it alone. Let me slide through the back door, just get it on my own. See, I set up shop, sorta like a lemonade stand. Picture me smoking, serving black dudes with just one hand. Making it simple for all the parties. People to bump. If the P was from the South, yo, all this shit would be crunk. We Los Angeles style, too wildin' for my own good. Y'all used to claimin' neighborhoods. See mine, I'm taking. Cross borders, wait out, fakin', forsaken niggas in front. Just watch you bitch moan and complain while I smoke on this blunt. Dumpin' the ashes on your new shoes. Steady giving the blues, cause I be creepin' when you're having sex or watching the news. Don't get surprised, my man, you one of them live guys. You said it couldn't happen, Double K, don't be rapping. Writing rhymes is like love letters, I put my heart in it. This game I'm gonna win it, the fame I'm gonna get it. By any means necessary, I'm gaining my props. I keep my beats inside a cage, yeah, the son of a 12 gauge. Fully loaded, ready to go, Saturday night pro. With the hardcore liquor in my cup to make it slicker. Even when I slur my words, the jam's still tight. And even when I'm mobbing too hard, my sack's just right. I'm sending shouts to Rosebud, Bishop Don and my crew. We out like pro wings, yo, that's one, what you gonna do? Nah, just go keep driving, man. Just keep driving here. Just keep going. We'll get there. Don't worry about it. We got Cal Green in the back seat. Uh-huh. He's knocked out. We got Billy Wooten. He's back there. We're gonna have a little bit of fun. Man, you sure we're gonna hit Las Vegas on this road? Yeah. Keep going. Keep going. Trying to play some roulette. Yeah. Blackjack. We're gonna win all the money. We're going to Oaks. Go on there and win some money, right? Yeah. Some rest stop, man. We'll stop having a smoke. Wino style. Wino style. Gonna win all the money. Tu te couches à 6 heures. Ouais, j'écris la nuit. J'écris beaucoup la nuit, c'est parce que c'est le moment où j'ai l'impression que je rate rien. Ok. Ah non, c'est ça. Tu vois, je suis là et... Parce que l'après-midi, même quand je me pose devant mon ordi, j'ai toujours besoin d'appeler quelqu'un et dire « Tu vas faire l'apéro ? T'es là, t'es dispo ? Viens, on va faire une balade, un truc. » Alors qu'à partir de 2-3 heures du mat, le téléphone il arrête de sonner, tu dis « Ok, on va se mettre à travailler. » Et tu dors pas beaucoup ? Je dors le matin, moi. Combien de temps ? Je dors 6 heures, 6-7 heures, un truc comme ça. Si tu étais un autre individu, si tu étais un autre individu ? Un autre individu ? Je crois que j'aimerais pas être un autre individu. Je crois que. Parce que t'as travaillé tellement sur toi. C'est ça. Et en fait, je suis même pas encore trouvé ma personne à moi encore bien. Tu mais vois. T'es jeune. 33 là bientôt. Ça passe là. Et tu trouves qu'il y a une urgence à 33? Non, c'est pas une urgence, mais c'est le après, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Pendant plein d'années, on se dit. Attends, excuse-moi. Vas-y. Ouais, Candy. Petit shot. Ouais, et je te rappelle dans 10 minutes, là je suis en interview avec, avec Rénal. En interview, madame, pour Québec. Ça mâche. Des bisous, Candy. C'est Candy. Elle joue en ce moment dans Camping Paradise. Ah oui, j'ai vu ce reste. Tu la connais? Non. La petite Candy. Non. C'est une de mes meilleures amies, c'est la femme de Romain. Ok. Ben, éventuellement, je la rencontrerai en 2017. Ben, avec plaisir. Elle est venue à Québec en plus. Ah oui, pour? Pour le festival. Effectivement. Ouais? Ah oui, effectivement. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Franchement, sans hésiter. Avec tous les trucs mauvais qu'il y a eu, avec tous les. Sans hésiter. Es-tu féministe? Beaucoup. Énormément, je pense. Mais c'est bizarre parce que je suis féministe et un peu machote en même temps. As-tu une écriture féministe? Je pense parce qu'en fait j'ai une écriture très masculine et dans la bouche d'une fille ça fait féministe. Pourquoi tu as une écriture masculine? Parce que j'ai de. Parce que. Tu as vécu avec des garçons? T'as... Pas spécialement. Enfin, j'ai eu un papa qui m'a aidé à développer des qualités masculines, on va dire. Il t'a élevé comme un garçon. Exactement. Ouais, exactement. Et c'est surtout, je pense qu'il avait très peur de m'élever comme une fille. Parce que pour il ne savait pas comment faire. Comment au-delà de comment faire, je pense qu'il avait peur de la condition féminine dans le monde. Oh. Et, il était précurseur, il savait déjà que ça, c'était la merde. Précurseur, bon, en 83. Mais non, mais sans le savoir. Bon, je pense qu'il a vu comment les filles étaient traitées, etc. Il s'est dit, moi, quitte, mon gamin, ça ne sera pas ça. OK. On va lui faire un profil de garçon. C'est ça, comme exactement. Comme ça, elle va se faire respecter. Exactement, et ça marche. Mais c'est bien. Est-ce que tu alors, ça roule de mieux en mieux pour toi, là. Le premier est terminé. Là, tu montes, tu fais une pièce de théâtre, tu joues actuellement une pièce de théâtre. Oui. Tu termines ton deuxième one-man show, là, tu es en train de le peaufiner. Oui. Et tu vas le présenter à la rentrée, sans doute? Oui, septembre. En septembre, est-ce que tu sens la pression? Beaucoup, énormément. Déjà la pression sur ça, même en répète, j'ai déjà la pression. Ouais, comme je te dis, c'est toujours compliqué de faire rire les gens avec des sujets intelligents. Ouais. Et de revendiquer un texte aussi. Et c'est ça. Et aujourd'hui, je prends l'axe et le risque de me dire, ouais, voilà, on va essayer de faire de l'humour intelligent. Voilà. À quel prix? On verra. C'est ça. Mais après, moi, c'est ce qui m'importe aujourd'hui. C'est, j'ai envie de venir parler de ça. Alors, t'es prête et tu peux aussi raconter tous les travers de notre société. C'est ça. À ta manière. Exactement. Et je suis déjà presque en train d'écrire mon troisième one derrière. Déjà? Ouais. Enfin, j'ai déjà énormément d'idées dessus qui ne rentrent pas dans le one de là. Et donc, je me dis... Et je pense que mon troisième one, ça sera un truc qui sera plus personnel, mais qui va toucher un peu tout le monde. Ça sera sur un peu les placards dans les familles. Oui. Okay. C'est où on a tous les secrets de famille. Oui. Et en fait, on a tous l'impression que le voisin a une famille géniale, etc. Oui, mais il y a des choses cachées. C'est ça, exactement. Oui. Et moi, je suis la personne dans ma famille qui prend les placards et qui nettoie les placards. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et tu racontes. Et je raconte. Michel Tremblay, qui est un écrivain québécois, utilisait un peu... Tiens, si tu revais du coca. Ah oui, t'en veux plus? Ça va aller, après trop de sucre, tu le sucres. Ah oui? Ouais, tu vas devenir lourd. Salut! Qu'est-ce qu'elle a, est chelou! Michel Tremblay racontait beaucoup sa famille. Ouais. Et ça dérangeait la famille. Toi, est-ce que tu leur demandes avant? Ou... Moi, je t'avoue que justement, j'ai la seule personne dans ma famille pour qui je veux pas venir raconter encore, et que c'est pour ça que j'attends de le faire dans mon troisième one, c'est ma grand-mère. Mais alors, ouais. Et comme c'est vrai que il y a des choses qui sont assez compliquées, ne serait-ce que pour elle qui est encore dans le déni de beaucoup de choses, ou par respect pour elle, et j'ai envie. Moi, je ne fais pas ça pour faire du mal à qui que ce soit. Ouais. Du coup, je pense que c'est pour ça que je prends le temps pour le troisième, où je serai plus intime dans l'intimité. De lui annoncer un peu. Non, j'attends qu'elle meure. Ok. Ah, oui. Pour ça que j'attends pas tout de suite. Non. Je ne me permettrai pas d'aller sortir des choses, même si c'est des vérités, en fait, tu vois, sur. La vérité. Des fois, elle est dérangeante. Pas, ouais. Elle peut toujours bonne à dire, selon c'est ça. C'est ça, en attendant. Moi, je la trouve bonne à dire quand il y a des choses drôles à dire derrière. Mais maintenant, je ne suis pas là pour blesser les gens, donc je. Ah, c'est le respect aussi. C'est ça, ah oui. J'ai été élevée par ma grand-mère, tu vois. Quand j'habitais en Normandie, je vivais chez ma grand-mère pendant presque 10 ans, tu vois. C'est ma première mère, en fait. Du coup, pour moi, c'est mon pilier. Alors, tu lui dois respect. Ah, mais c'est la femme de ma vie. Elle a consacré beaucoup de temps. C'est la femme de ma vie, c'est ma mère, quoi, tu vois. Et du coup, c'est vrai que pour venir expliquer toutes ces choses, expliquer le pourquoi tu vis chez ta grand-mère, le pourquoi, tout ça. Toujours en train de revendiquer. C'est ça. C'est ça, tu vois, le respect des anciens, tout ça, qu'on n'a plus aujourd'hui. Tu vois que moi, aujourd'hui, je ne comprends pas ces gens qui vont mettre leur grand-mère ou leur grand-père dans des maisons de retraite. Tu vois ce que je veux dire? Les Africains ont compris, les Africains restent avec leurs parents. Mais c'est ça, tu vois, moi, je pense que j'ai plus cette mentalité encore un peu d'Afrique où, pour moi, les personnes âgées, c'est de la sagesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est la mémoire du passé, c'est quelque chose à respecter, à entretenir et à faire vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de les écouter, c'est important de pouvoir retransmettre ce qu'eux ils ont à transmettre derrière pour pouvoir nous après continuer à... Surtout ne pas oublier ce qui s'est passé. C'est ça, c'est ça. Le fait de garder l'histoire vivante. Mais le problème avec les personnes âgées, c'est qu'ils sont souvent dans le déni. C'est normal, c'est l'âge. Hein. Au-delà de là, je pense que c'est aussi une question de, tu sais, de culture et de logique où à un moment, à leur période par exemple, tu vois, genre être remarié ou ce genre de choses, c'était des choses qui étaient super mal vues, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, ma grand-mère... Autre temps, autre mœur, ce qu'on m'en dit. C'est ça, ouais. Exactement, tu vois. Et moi, ma grand-mère, genre, elle a eu 10 enfants, mais avec 2 ou 3 maris, tu vois ce que je veux dire? Donc à l'époque, tu vois, dis-toi que ça devait être quand même... Normalement, les maris mouraient, donc... Ouais, c'est ça. Mais voilà. Ils ne séparaient pas, ils s'en allaient pas, donc... Parce c'est que, ça, mais apparemment... C'est d'autres circonstances. C'est ça, tu vois, mais elle, dans sa tête, tu vois, elle a du mal à assumer. Elle dit, ça va pas, ce genre de choses. Oh. Mais non, vous êtes tous du même père. Mais non, tu vois bien qu'il y en a des noirs et des blancs. En fait, mais non, je vous dis que ça va. Ah bon, bah, si tu dis que ça va. C'est ça. On va te croire et on va te remettre en question. Oh, la laisse tranquille, tu vois. Bon, moi, elle s'énerve. Ok, pardon. Non, on rigole. On est tous du même père. D'accord. Est-ce que tu te vois dans quelques années ou si tu es au jour le jour? Non, bah, en fait, j'essaye de plus en plus de me, quand même, de me créer un avenir. Entre guillemets, mais je vis énormément au jour le jour, mais j'oublie pas demain en fait, tu vois. J'essaie quand même de. Là, j'ai plein de projets en écriture ou des choses comme ça, où j'écris sur des mini-séries, des choses où le projet ce sera pas pour demain, ouais. Mais ils sont là et. Les mini-séries. Voilà, il y a une prod qui m'a contacté pour me mettre en écriture dessus, un truc assez féministe, etc. Et on va voir quoi. Et si tu viens présenter ça au Québec, est-ce que tu vas. Revisiter des textes? J'essaye, tu vois, tout comme quand je vais jouer en Martinique ou quand je vais jouer à La Réunion, j'essaye quand même de m'adapter, entre guillemets. Mais tu arrives quelques jours avant pour rencontrer les gens. Pour essayer de me mettre dans l'énergie, l'atmosphère. Got no con ring me. God damn it. parler avec les gens. Est-ce que tu débites le texte en disant vous me le direz si vous voulez que j'adapte des trucs? Alors, non, je demande pas aux gens, en fait, je fais en fonction de mon ressenti. Et si tu entends une expression, tu dis, oh, ben ça, je vais mettre ça au lieu de mettre ça. C'est ça. Okay. Ou alors, si, oui, par exemple, si j'ai des doutes sur. Par exemple, quand je suis partie jouer en Martinique, eh ben, j'avais une vanne où, qui était très française où je parlais des femmes piquantes. Okay. J'expliquais que je suis une femme piquante, en fait, tu vois, c'est le contraire des femmes aigres douces. Ces femmes qui étaient douces avant et que les hommes ont rendu aigris. Et je fais piquante, c'est ce genre de femme qui, quand elle te fait l'amour, c'est pas du Nutella qui a de badigeon sur le corps, c'est de la harissa. Et en fait, la harissa, elle parle pas en Martinique. Du coup, je leur ai demandé la sauce piquante qu'il y avait chez eux. C'est quoi? C'est la sauce chien. Tu vois, c'est une sauce à base d'ail, de piment, de trucs. Et du coup, effectivement, je réadapte les expressions. J'ai goûté, c'est très très piquant. Ah ouais, au Mexique, c'est des piments rouges. Les vrais petits piments. Ouais. Puis il y a certains piments, tu dois mettre des gants parce que ça brûle la peau. Imagine-toi l'estomac, c'est fou. Ça te. J'ai un trou. Un trou, c'est ça, là, tu bois de l'eau, puis wow, l'eau, excusez-moi. J'ai mangé un piment. Marie, merci d'être passée à mon émission. Mais merci à toi, Rénal. Puis, excuse-moi du retard. Non, il n'y a pas de problème, puis on se retrouve au Québec. Eh bien, avec grand plaisir. C'est un de mes objectifs de venir prochainement chez vous. Surtout qu'il y a un festival d'humour. Ben ouais, là, ils y sont en plein dedans. Là, il y a Shirley, il y a tout le monde qui sont descendus, exactement. Bérangère, j'ai vu, il y a Navo, tout le monde est là. Ah, mais il ne manque que toi. Eh ben, je viens bientôt, promis. Excellent. Franchement, merci. Avec grand plaisir. Merci, Marie. Puis à la revoyure, comment tu fais? Avec grand plaisir. Excellent, merci. Toi, tu t'en vas bosser, là? Ouais, je vais aller bosser avec Romain, que je dois récupérer... sur la route. Ah oui, en scooter? En scooter, exactement. Est-ce que vous allez venir ici dans le coin? On va voir. Lui, il habite dans le 18e, pas très loin. Le boulevard Mortier, à côté du Père Lachaise? Lui, il habite plus vers Château Rouge. Ah oui, ok, oui. Tout ça. Et du coup, on va voir. Je pensais pas que tu allais accepter. Bah pourquoi? Je sais pas, il y a des gens qui sont un peu plus frileux. Ah non, moi tu as vu, hein, si c'est demandé gentiment et que c'est cool, ouais, c'est grave. Cool. Si tu m'avais dit rendez-vous à 2h du matin dans un bar ou dans un hôtel, je serais peut-être pas venue. Peut-être pas, ça paraît louche. Est-ce que tu peux prendre des photos pour bien voir sûr. Que l'émission sera diffusée, voir ta bouille? Bien sûr, avec plaisir. C'est important la bouille. J'ai un peu la tête dans le cul, mais c'est pas grave. Ah ben écoute, la mienne, avec la tienne, c'est... Hop! Tu vas où, toi, gros? Ok, vas-y. Es-tu prête? Ah, t'es toute petite. C'est vrai, okay. C'est pas gentil de dire ça à une fille, hein? C'est pas gentil, Je sais, non, mais je suis comme ça, moi, je suis corrosif. Dernière. Vas-y. Pour la route. Peux-tu prendre ton toutou? Grave! Petit toutou. Petit toutou. On y va. Ah, ça fait. Oh, t'es beau! Bonjour. Bonjour. Moi, ça va, toi? Ça va. Et moi, en plus, parle. Moi, j'ai un chien qui s'appelle Benjo. C'est un Yorkshire Terrier. Ah! Hein? Il est très ami avec les York, hein? Ah oui, ben oui. Puis en plus, c'est des chiens sniffeux. Ça sent. Ah ben oui! C'est ces chiens-là qui servent à trouver des truffes. Ah ben oui. Ça ou des cochons. Les petits terriers, quoi. Exactement. Mais... Ah, regarde, t'as toutes les feuilles qui sont en rouge. Oh non! La dame, elle va lire tes notes. Ah non, mais c'est important. Il y a secret d'état. C'est pas joli, hein? Non, je sais, non, mais écoute. Eh ben, dis donc, Rénald. On connaît la vérité. Bravo, les Canadiens. Ah, ouais. Bravo, Québec. Eh ben, hein. Voilà, c'est ça. C'est un rendez-vous à 14h, là, c'est ça? Oui. Je t'ai pas pris de retard, je t'ai exactement. Pas... Non. Ça devait pas se faire, donc elle voulait retarder. Surtout quand c'est prévu d'avance. Je suis pas très. Voyons. Oui, mon gros, t'es où? Ah, bah écoute, moi je viens de finir, je suis à Abbesse. Donc bah, je peux passer là, si tu veux. C'est comme tu sens. Et bah pour les billets. Bah écoute, là je crois que je suis pas très loin hein, de chez toi. Non, mais redonne-moi l'adresse, 51 rue des Poissonniers. Hein. Voilà, parfait. Bah vas-y, je suis là dans 10 minutes, un peu comme ça. Des bisous, loulou, à toutes. Là, tu vas l'embarquer dans ton sac à dos? Ouais, il retourne avec dans les son sac à dos, c'est le sien. Avec les lunettes? Bah ouais, sinon après il pleure des yeux quand il est avec le vent. Tu sais, après, ça lui Est-ce fait que des. C'est des lunettes expressément pour les chiens ou pour les enfants? Non, c'est pour les chiens. Non. Regarde Doug, Douglas. Ah, ouais. Mais peut-être que des enfants, ça marche aussi. Hein. Ben oui, ben là, mais là, tu enlèves le dog, ça paraît un peu ça étrange. Ça fait kid-us. C'est ça, ça fait étrange. Ils vont dire, mais merde! Ça fait étrange. Alors... On va remonter. Voilà. On y va, Ron? Sinon, l'année prochaine, tu me feras signe et si tu fais un spectacle, ben, j'irai te voir, ça serait intéressant. Ben ouais, mais c'est con que tu te barres, parce que je t'aurais invité demain, sinon. Tu je pars quand? Demain. À quelle heure? Ah non, je m'en vais en autobus à 11h. Ah ouais. Parce que c'est international, donc je peux pas quitter une heure avant. Ouais, ben moi, je comprends, hein. Ah ouais. Mais si tu reviens, avec grand plaisir, hein, ouais, tu me tiens au jus et moi je te mets des places avec grand plaisir. On va avoir un suivi. Eh ben, t'es avec grand plaisir, monsieur Rénal. Merci. Au plaisir, en tout cas. À l'arboyeux. Hop, t'es dit. Ah oui, les lunettes, petit peu. Attends, on va le mettre d'abord dans le sac. Ça aussi, c'est spécialement pour les chiens? Ouais. OK. Hop. Oh non. Un dog bag. Oh non. Clac. Pauvre beau. Hop. Attention. C'est confortable. Oui, c'est confortable. C'est très confortable. Hop. Ça. Merci. La patte est coincée. Non, non, t'inquiète. Ah, tu laisses la patte comme ça? Il peut, des fois, il la sort, il aime bien. Ah ouais? Bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour. Tu es emprisonné? Non, je suis dans un sac, c'est mieux. Ok, ouais, c'est la vision qu'on fait de la chose. Hein. J'aime bien être dans mon sac, je préfère ça que le métro. Ah oui, ben oui, le métro, ça va. Hop, merci. Oh. Petit lion. Oh, ouais, c'est ça. La Warner Brothers. Hey, wow. Lion. Et voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, mon petit lion. Oui. Il manque les lunettes. Clac. Et hop, il sait que ça arrive. Hop. C'est mieux pour lui. Parce que ça évite le larmoiement. C'est ça, tu sais, après il a des pleins de noirs là sous les yeux, c'est dégueulasse. Ouais. Là, ah oui, parce que ça fait comme des petites pierres. Hein, ça t'as vu, pierres. C'est ouais, dégueulasse. Ouais. Ouais, ouais. Il attend. Hop, hop, hop. Alors, on met les lunettes, on met pas mes lunettes. On met les lunettes. Hop. Tu l'habitues à quel âge de placer? 2 mois. Ah ouais. Dès que je l'ai eu en fait. Hein. Hey. La star. La petit loup. Êtes-vous une vedette, monsieur Petitpet? Oui! Il est plus connu que moi, je te jure. Ah oui. Mais sur l'affiche, ça serait bien que tu places ton petit. Il sera là. Ah oui. Parce qu'il vient avec moi sur scène. Ah oui. Alors tu es la Michel Drucker. Je suis un peu Michel Drucker. Ouais, exact. Drucker. T'as tout compris. Ah, voilà. Tu m'as reconnu. Ben oui, mais écoute, on s'est repéré. Hein. Bonjour. La tête en là. Non, je m'en occupe. T'es trop mignon. Merci beaucoup, Renald. Bah si j'avais su, j'aurais pris du champagne. Bah oui, champagne pour tous. Hein. Je serais allé pisser, mais tu m'as répondu. Vite, allez, au revoir. Mais c'est le champagne des pauvres. C'est très bien. Ah oui. Et c'est bien meilleur. Bah oui. Ça défonce plus l'estomac. Mais ça étourdit moins. Hein, c'est un peu plus... Le champagne américain. Et voilà. Ouais, ouais. J'ai mis les clés dessus. Le symbole américain. Amen in the sun. Lazy time, I